Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Au sud-ouest de la Bretagne, au milieu de l'océan qui scintille, s'étend la plus grande et la plus enchanteresse des îles bretonnes, Belle-Île-en-Mer. Ici, la nature est somptueuse, sauvage. Les vagues roulent contre les immenses falaises. Le sable est blanc et l'eau turquoise. L'île est un petit paradis. Hélas, pas pour tout le monde. Au nord-est de ce territoire enchanté s'élèvent de hauts murs. Derrière cette muraille froide et infranchissable, de jeunes garçons, entre 13 et 21 ans, le crâne rasé, vêtus de blouses blanches, triment comme de pauvres diables. Bienvenue à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, également connue sous le nom de Bagne pour enfants. Nous sommes en 1934, et c'est ici depuis plus de 50 ans qu'on enferme la mauvaise graine, les petits voyous, bref, tous les incorrigibles qui n'ont plus peur de rien. Qu'ont-ils fait ces bandits-là? Eh bien, souvent pas grand-chose en vérité. Certains ont été abandonnés par leurs parents, ou bien ils ont volé du pain, d'autres encore vagabondent dans les rues. Et comme de la mauvaise herbe qu'il faut arracher avant qu'elle ne devienne trop envahissante, à Belle-Île, on mate tous ces vauriens. On les redresse à coups de punition, de discipline et de mauvais traitements. Mais tout cela, heureusement, ne va pas durer. Bientôt, le souffle de la révolte va gronder. Comment les adolescents prisonniers du bagne de Belle-Île-en-Mer ont réussi à changer l'histoire? Ma foi, c'est la grande aventure de cette odyssée! Le soleil tape fort en ce 27 août 1934. Il est près de midi. Le ventre d'Émile gargouille et dans sa tête, il pense... Oh purée, j'ai les crocs. Ce matin, il n'a pas réussi à avaler son pain dur. On a beau être habitué, certaines choses vous restent coincées au fond du gosier. C'est comme l'odeur, tiens. Elle est insupportable. Ici, à l'atelier de fabrication de conserves, la chaleur est étouffante. Tout le monde sue à grosses gouttes, et avec seulement 2 douches par semaine... Ah, forcément, bah, ça sent très vite le vieux rat crevé. Même dans la rue, j'étais plus propre. Émile a 15 ans, et cela fait 10 mois qu'il a été envoyé à Belle-Île. Belle-Île? Belle-Île, mes fesses, oui. C'est l'enfer, ici. En plus, je faisais rien de mal dans la rue. Je dormais ici et là, je cirais des pompes, je vendais des journaux, et quick, je me suis fait embarquer. C'est quand même pas ma faute si mes parents n'ont rien à secouer de ma poire. Aïe! Émile déteste fabriquer des conserves. Il faut tordre le fer, et le fer, ça coupe! Aïe! Lentement, il passe sa langue sur son palais. Sa bouche est sèche. Un petit jus de pomme, là, tout de suite, pour épancher sa soif. Oh, ou bien sauter dans les vagues fraîches. Oh oui, ce serait géant. Ouais, ben, faut pas rêver. Les gardiens ne le lâchent pas d'une semaine. Toujours, il faut couper, assembler, travailler vite, travailler bien. Et surtout ne pas moufter, sinon ça pleut des coups dans tous les sens. Parfois, et c'est rare, on arrive à chuchoter avec son voisin. Hé, Paul, psst, psst. Il paraît que certains ont réussi à s'échapper de ce trou. Réussi? Non, mais essayez, oui. C'est arrivé 4 ou 5 fois, je crois. Chaque fois, les fuyards se sont fait rattraper. Ou bien, ils sont morts. Morts? Ça n'alerte personne? Y a pas quelqu'un qui se dit qu'un truc tourne pas rond, ici? Eh non, je crois même qu'ils sont persuadés de nous faire un cadeau. Tu parles d'un cadeau? Hé, là-bas, silence, ou on vous en colle une! Il, c'est la société, l'ordre, les juges, la police... Tous ces adultes qui, au nom du bien commun, enferment ces adolescents pour mieux les exploiter. À Belle-Île, les jeunes bagnards travaillent 11 à 13 heures par jour, 300 jours par an. Ils réparent les bâtiments, ils cultivent la terre, ils lavent le linge, ils cuisent le pain, ils fabriquent des cordes ou bien des conserves qui seront ensuite distribuées dans toutes les prisons de France. Le travail, la discipline de fer, c'est comme ça qu'on empêche la mauvaise graine de mal tourner. À quelques mètres des ateliers, assis dans son bureau, le directeur, Donatien Turban, est en pleine conversation téléphonique. Ne vous en faites pas, monsieur le ministre. Ici, loin des villes, nos détenus, enfin, je veux dire, les jeunes garçons dont nous avons la charge, respirent le bon air pur. On leur apprend un métier, et lorsqu'ils sortiront, ils diront merci à la France. Des têtes bien faites dans des corps sains. Voilà ce qu'on en fait. Ben voyons. 17h, le clairon sonne. C'est l'heure du dîner. En randonnion, les petits détenus quittent leurs ateliers. Direction, le réfectoire. Silence ! J'ai dit silence ! Faut vous frapper pour que vous compreniez ? Tout le monde s'assoit, puis la soupe est servie. Émile jette un œil à droite et à gauche. Ça y est ! Il a repéré Paul qui... Oui, heureusement, n'est pas très loin. Même s'ils ne peuvent pas vraiment se parler, ça lui fait du bien de le savoir à côté. Les adolescents, affamés, se jettent sur leur soupe. Paul avale le liquide, coup de cuillère après coup de cuillère, mais ce qu'il regarde là, à côté de son quignon de pain dur, c'est son morceau de gruyère. Le fromage, c'est ce qu'il préfère. Oh oui, il adore enfoncer ses dents dans la matière mi-moelleuse, mi-caoutchouteuse. Oh pétard, il a l'eau à la bouche. Mais il ne peut pas. Le règlement est clair. Interdiction de toucher à son fromage avant d'avoir terminé sa soupe. Alors, il continue de plonger sa cuillère dans son bol. Mais cette soupe-là, c'est rien du tout. C'est de la pisse de chameau, voilà ce que c'est. Ça remplit pas le ventre. Il ne tient plus. Les gardiens ont le dos tourné. C'est le moment ou jamais. Vite, il croque dans le bout de fromage. Adieu. Oh, c'est bon. Ah, c'est merveilleux. C'est délicieux. Oh non, purée. Il s'est fait gauler. Aussitôt, les gardiens lui tombent dessus. Ils le jettent par terre et le rouent de coups. Silence tout autour. L'air est électrique. Sans se regarder, tous les garçons, dans un seul et même mouvement, comme une vague qui se casse contre les rochers, se lèvent en criant. Ils sont 100 face à 2 gardiens. L'heure de la revanche a sonné. Tout vole. Les assiettes, les fourchettes, les tables, les bancs sont renversés. Ils cassent tout. Oui, oui, allez-y, allez-y, les amis. Impossible de les arrêter. En quelques minutes, l'ordre du monde est renversé. Et là, soudain, ils la voient. La porte du réfectoire, elle est restée ouverte. À eux, la liberté. 55 adolescents, parmi lesquels Émile et Paul, se ruent dans la cour. Grâce à une échelle oubliée dans un coin, ils escaladent le mur. Les voici dehors. Sans réfléchir, ils se mettent à courir. Ils courent à toute vitesse. Où ? Ils l'ignorent. Là-bas, droit devant, le plus loin possible. Le monde, les couleurs, les odeurs leur sautent au visage. La beauté de la nature éblouit leurs pupilles. Un vent frais les enveloppe. Ils entendent les grillons, ça sent la mer. L'herbe est douce, les épines de pin craquent sous leurs pieds. Yahoo ! Enfin l'aventure ! Yahoo ! À la colonie pénitentiaire, c'est la panique. À 20h, le directeur sonne l'alarme. L'heure est grave! Il faut retrouver ces vauriens coûte que coûte! Il appelle les gendarmes. Allô, allô, vous avez demandé à la police? Ne quittez pas! Mais zut! La ligne est occupée. Oh, bah de toute façon, ils ne sont pas assez nombreux. Qu'à cela ne tienne, moyennant quelques pépettes, les habitants de l'île, locaux et touristes confondus, acceptent de prêter main forte. 20 francs par minot retrouvé, c'est ce qu'on appelle un marché en or. Commence alors une terrible chasse aux enfants. L'île tout entière est prise d'une véritable frénésie. Les pêcheurs surveillent les côtes, les paysans, la fourche levée, fouillent leurs champs, des vacanciers tirent en l'air avec leurs carabines. Parmi tout ce beau monde, il y a le poète, Jacques Prévert. En vacances sur l'île avec quelques amis, il assiste à cette horrible chasse à l'homme, impuissant, horrifié. Ce ne sont que de pauvres gosses qu'on traque comme des bêtes. Le monde est devenu complètement fou. Les adolescents, de leur côté, ont réussi à se cacher. Séparés en petits groupes, ils ont trouvé refuge dans les grottes ou bien dans les bois. Hé, hey Paul, tu les entends ? Ils sont où, ces bons à rien ? On va les ramener par le slibar, s'il le faut. L'île est fouillée de fond en comble. Et dès le lendemain, les 55 évadés ont été retrouvés. Cette histoire, heureusement, ne s'arrête pas là. Le député Louis Rollin, fervent défenseur de l'enfance maltraitée, interpelle le Parlement et l'opinion publique. Est-il juste d'emprisonner des enfants ? Ne vaudrait-il pas mieux éduquer, plutôt que de punir et enfermer ? C'est la question qu'on lit sur toutes les lèvres. La parole est à monsieur le président du Conseil. À sa suite, le journaliste Alexis Danan se saisit lui aussi du dossier. Incognito, il décide de mener l'enquête à Frasne-le-Château, une institution située dans l'est de la France, où l'on place de jeunes mineurs qui se sont rendus coupables de petits vols, de vagabondage ou bien de mendicité. Ce qu'il découvre lui retourne l'estomac. À son retour, le 3 octobre 1934, il publie un long article qui émeut fortement les lecteurs. Enfin, les enfants emprisonnés ne sont plus représentés comme de dangereux voyous, mais comme les victimes d'un système terriblement violent. Enfin, la société prend conscience de la souffrance endurée par les jeunes détenus plongés dans l'enfer des bagnes pour enfants. Le gouvernement réagit. Le directeur de Belle-Île est lourdement puni. La lutte pour la protection de l'enfance prend de l'ampleur. Les citoyens, toujours aussi choqués, manifestent dans toute la France. En 1945, une nouvelle loi est votée pour imposer l'éducation au lieu de la répression. Quant au bagne de Belle-Île, rebaptisé « Institution publique d'éducation surveillée », il ne fermera ses portes qu'en 1977. Oh, purée ! Ça a été long ! Autrefois, on considérait les enfants comme des êtres inférieurs aux adultes, des êtres sans vraiment de droits, sans rien pour les protéger. Heureusement, les temps ont changé. Il n'est plus possible d'enfermer des enfants parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents ou parce qu'ils sont orphelins. Et lorsqu'un mineur de moins de 18 ans doit être jugé par un tribunal, il est entendu par un juge spécial et selon des règles tout aussi particulières. L'enfance et les enfants, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, il faut les protéger. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne Nuro, Jean-Philippe Jeanne, Cédric Diallo, Jacques Prévert et moi, Laure Grand-Besançon. Le poète Jacques Prévert a longtemps été hanté par les scènes auxquelles il a assisté lors de son séjour à Belle-Île. Il a écrit un poème pour rendre hommage à tous ses enfants. Il s'intitule « La chasse à l'enfant ». En voici un extrait. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.